L'erreur du chat fanfaron. Le chat fanfaron regarde le poisson. Le poisson est petit et fanfaron est gros. Fanfaron met sa patte dans le bol. Floc! Le poisson tombe par terre. Madame Rosa arrive. Fanfaron a une patte sur le poisson. Non, méchant chat, crie-t-elle. Elle met Fanfaron dehors. Fanfaron voit un lézard dans l'herbe. Le lézard est petit et Fanfaron est gros. Fanfaron met sa patte sur le lézard. Le lézard se cache vite sous une roche, mais Fanfaron attrape sa queue. Fanfaron voit une abeille. L'abeille est petite, mais Fanfaron est gros. Fanfaron attrape l'abeille. L'abeille bourdonne. Zzz. Fanfaron miaule. Miaou, miaou. Fanfaron saute partout. Il miaule très fort. Miaou, miaou, miaou, miaou. Madame Rosa arrive. Regarde ta patte, dit-elle. Elle est toute enflée. Madame Rosa met un bandage sur la patte de Fanfaron. Tu dois rester dans la maison, dit-elle. Fanfaron reste à la maison. Il doit garder sa patte élevée. Tu ne mettrais plus ta patte sur une abeille, dit Madame Rosa.